Un chiffre, la tuberculose tue 1 340 000 personnes dans le monde par an. Oui, mais bon, c'est pas comme s'il y avait un vaccin. Ah si, merde. Un dernier chiffre. 18 000 personnes mortes du coronavirus dans le monde. Peut-être 100 fois plus, allez. Et le monde entier est confiné. Le monde entier accepte les lois martiales, accepte le plein pouvoir à l'économie et au gouvernement. 18 000 petits morts dans le monde. Chaque année, il y a dans le monde 57 millions de morts. Généralement, les gens meurent de faim ou de guerre. Mais ça, c'est sûr, on n'y peut rien. Bonne journée, restez chez vous. Oui, salut, là-bas, si j'y suis, c'est Amel. Alors, je voudrais quand même souligner quelque chose concernant les cours particuliers à domicile dispensés par les parents qui ne sont évidemment pas tous équipés d'ordinateurs, d'internet, d'imprimantes et d'équipements aussi intellectuels hein, pour suivre les programmes, les devoirs, les corrections, les leçons. Je trouve que l'organisation de l'éducation nationale creuse encore un peu plus les inégalités qui existent entre les familles, entre celles qui pourront suivre et celles qui ne peuvent pas. Je trouve aussi que c'est assez inconséquent de créer et générer des tensions au sein des familles, parce qu'il faut savoir quand même que la scolarité des enfants, ça cristallise beaucoup de, ça peut cristalliser beaucoup de tensions, notamment dans une période de confinement, notamment dans une période où les parents eux-mêmes ne savent pas du tout que réserve l'avenir et pour eux et encore plus pour leurs enfants. Donc ça surajoute une pression phénoménale sur les enfants au sein des familles dans une période de confinement. Donc si vous voulez faire exploser les gens qui sont confinés dans des appartements, ben, allez-y, hein. Balancez tous les jours des tonnes de devoirs pour justifier le fait que vous êtes aussi confinés. Les professeurs que j'apprécie, j'ai plein d'amis professeurs, c'est pas la question. Mais si vous voulez justifier votre salaire en envoyant 1000 tonnes de boulot aux parents qui sont eux aussi sans boulot, c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. Moi, j'ai la solution, enfin je propose une solution, ça aurait été de dire à tous les gens, voilà, écoutez, on va pas avancer dans le programme, c'est pas grave. De toute façon, à situation exceptionnelle, bah, organisation exceptionnelle, on ne fait que des révisions. Vous avez toutes les corrections des devoirs dans les cahiers où nous allons vous envoyer les corrections de tout ce qui a été fait. Vous reprenez toutes les leçons et à la limite, ça aurait été pertinent que les professeurs fassent des fiches par élève sur les fragilités. Tel élève, bah, il n'est pas bon sur la géométrie, tel élève, c'est la lecture qui pêche, un autre, c'est l'orthographe, ça ne va pas du tout. Voilà, pour guider les parents et finalement ne pas avancer, ne pas pénaliser les élèves qui pourront suivre avec leurs parents, qui vont leur faire faire à côté de la danse, de la peinture, de la voilà, de l'initiation à la musique et tout ce qu'on veut, et toutes les familles qui n'ont pas ces possibilités-là, voilà. Donc, ça aurait été bien juste de s'en tenir à des révisions. Voilà, donc je suis quand même assez agacée, notamment de la professeure de ma fille, qui n'a absolument rien compris au message, puisque j'ai essayé de lui expliquer exactement ce que je vous dis, et elle m'a dit « je prends bonne note que vous ne ferez pas travailler votre fille ». Bon, allez, merci, au revoir. 1, 2, 3, on s'écoute la deuxième partie de cette conférence débat sur les agriculteurs disparaissent, quel futur pour notre région, quel futur pour l'humanité. C'est la deuxième partie, il y en aura une troisième. Et la région, eh bien, c'est le pays de Herve, Verviers, Liège. Et c'est un collectif Semer le futur, 14 associations qui se réunissent et qui se mettent autour de la table sur des thèmes de l'agriculture et de la transition. Et c'est sûr, j'ai envie de rajouter, à l'ère du corona, on est bien obligé de se poser des questions sur notre alimentation. Micro ouvert. Ben voilà, on a encore élargi le territoire, voilà, pour ces constats, pour terminer les constats et aller vers le débat avec le public. Christine Gonnet de la FOI et Vanessa Martin de la Fougéa vont donner des points de vue voilà, des syndicats. Je ne sais pas qui veut commencer, il n'y a pas nécessairement d'ordre. Tu y vas ? Oui, en fait, moi, je n'ai rien préparé parce qu'on m'avait dit que j'allais devoir plutôt réagir à ce qui allait être dit lors de la table ronde et beaucoup avec vous dans le public. Donc, moi, je n'ai pas fait de présentation PowerPoint, je n'ai rien préparé du tout. Mais bon, le thème ici, c'est les constats sur l'agriculture, ici, sur le plateau d'Erve. Et moi, je me dis qu'en venant, j'ai toujours vu, heureusement, des prairies, des haies et des bêtes, encore pour le moment, ils ne sont pas encore à l'étable. Et alors, effectivement, notre agriculture, elle a changé. Si on reprend il y a 30 ans, 50 ans, c'est plus la même agriculture. Il y a toujours des agriculteurs, heureusement. Et je pense qu'il y en aura toujours. Et certainement, ça va encore évoluer. Mais dans quel sens, on ne sait pas. Et en fait, l'évolution, je pense qu'elle se fera en concertation avec le consommateur. Parce que le consommateur, il a énormément de pouvoir. Et ça, on l'oublie très, très souvent. C'est vrai que vous avez les politiques qui prennent des décisions pour nous. Vous avez l'industrie agroalimentaire qui a énormément de pouvoir aussi et qui dicte ses lois. Mais in fine, c'est quand même le consommateur qui choisit. Et tous les jours, dans les grandes surfaces, il y a des produits qui sont retirés, que des usines enlèvent, parce que le consommateur n'en veut pas. Donc, je redis, le consommateur a énormément de pouvoir et c'est lui qui a le plus de pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut effectivement qu'on fasse beaucoup plus d'efforts écologiques. Il nous reproche beaucoup de choses. Mais malheureusement, il n'est pas toujours cohérent entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Parce qu'il nous demande beaucoup d'efforts, mais lui, est-ce qu'il en fait ? Alors moi, je prends toujours mon cas chez nous. Enfin, mon frère a des gîtes à la ferme. Et pas la moitié des gens, des touristes, viennent voir l'exploitation, la ferme. Pourtant, on la remet dans le cahier avec tout ce qu'il y a d'offres touristiques dans la région, la possibilité de venir voir la ferme. Donc pas la moitié ne viennent voir. Ils voient quand ils sont sur la terrasse qu'il fait bon, que nos bêtes rentrent à l'étable. Ils ne viennent même pas voir avec les enfants. Et alors, quand certains viennent et qu'on a l'occasion de discuter, j'aime vraiment bien, moi je suis toujours fière de montrer ce qu'on a, notre métier, de leur faire découvrir plein de choses. Je pense qu'ils sont toujours très loin de savoir ce qu'est une ferme à l'heure actuelle. Certains pensent qu'on traite encore avec à la main. Et ce n'est pas un cliché, hein, ça existe vraiment toujours. Hein. Et alors, quand moi je dis qu'on est en production biologique chez nous, ils sont très contents. Et puis quand je leur demande, ah, vous êtes contents, donc vous mangez bio. Mais là, je sens un malaise parce qu'effectivement, ils ne mangent pas tous bio. Voilà. Donc, j'en reviens toujours quand même avec ce pouvoir du consommateur. Et on remarque chez mes confrères qu'il y a plusieurs tendances. Tendance à la diversification. Donc, soit on transforme, on fait un point de vente à la ferme, ou on fait d'autres spéculations à côté. Des porcs peut-être moins, mais volailles, bêtes à l'engraissement, viandeuses. Ou alors on continue et on agrandit. On prend plus de bêtes, plus d'hectares, parce qu'il faut garantir un revenu. Et en fait, on répond de cette façon-là aussi à des demandes des consommateurs. Parce que le consommateur, il veut manger local, il veut du bio, il veut de cahiers de charges différenciés, mais il veut aussi manger. Et c'est la plupart du conventionnel, donc des produits pas trop chers, qu'ils trouvent en quantité et en qualité, parce qu'il ne faut pas oublier, on n'a jamais mangé aussi bien et autant en quantité. Voilà, et ça c'est aussi l'effet de la PAC, enfin de la mondialisation. Voilà, et donc un consommateur qui n'est pas toujours cohérent non plus dans ses achats parce qu'il veut du local, mais il va aussi manger de la viande qui vient d'Argentine. Voilà, donc moi je resterai là et je vais privilégier l'échange avec le public. Merci. Merci. Oui, ça va, on va dire la parole à Vanessa Martin, alors, Fougère. Alors, comme Christine, j'ai pas de PowerPoint ni rien. Il y a quelques années, quand je travaillais à la FUGEA, j'aurais eu le temps de faire un PowerPoint, mais maintenant que j'ai la ferme, c'est plus compliqué. Donc ça, je pense que c'est... Enfin, d'ailleurs, on tient à la FUGEA de remercier pour l'invitation. Donc la FUGEA existe depuis les années 70, et on a toujours demandé à retirer l'agriculture de l'OMC. On sait que c'est un rêve, que c'est un peu utopique, mais on s'est toujours positionné contre la suppression des quotas, contre les accords de libre-échange, etc., parce que ça va défavoriser le secteur agricole, et notamment l'élevage. Donc on l'a vu très bien avec les diades de Benoît, que l'élevage a tendance à diminuer. Donc moi, je ne viens pas du pays de Herve, je viens de la Roche-en-Ardenne et je travaille à Namur. Là, par contre, le nombre de bêtes le long de la Nationale 4, sur 6 ans, il a chuté. On a vu des chevaux, beaucoup plus de chevaux, et beaucoup plus de céréales. Même donc, dans la région de la Roche, les fermes avec bétail diminuent et au profit des céréales, parce qu'on commence à avoir des climats plus chauds, donc plus chaud en saison, début de saison, et plus tard aussi dans la saison, on n'a pas encore fait tous les maïs, alors que d'habitude, si proche de fin octobre, ils sont ramassés au détriment d'être gelés, quoi. Donc là, on voit que l'influence climatique change, et je pense que ça, c'est quelque chose auquel on doit faire attention, parce que nos zones d'élevage, je veux dire, maintiennent un climat. Je pense que vous connaissez le taux d'humidité de l'herbe. Il est plus ou moins de combien ? Voilà, entre 80 et 90%. Une céréale, par contre, combien d'humidité quand vous la moissonnez ? 14-15%. Et nos céréales, on va les faire en juillet-août, période la plus chaude. Alors que l'herbe, justement, quand il va faire chaud, elle va transpirer. Donc il va y avoir de la vapeur d'eau dans le ciel, etc., qui va pouvoir provoquer des nuages, tandis que nos céréales, elle va continuer l'assèchement, en fait. Elle ne va pas pouvoir produire autant de vapeur d'eau, autant de nuages. Et donc on va perdre, en fait... On va modifier par notre action agricole le cycle de l'eau et donc on va favoriser davantage le réchauffement climatique. Donc ça, c'est vraiment très important par rapport à la philosophie qu'on n'a pas encore abordée aujourd'hui, toute la mouvance véganiste, végétarienne, etc., où le secteur de l'élevage est visé, mais en plein dedans, c'est important de garder vos haies, vos herbes, etc., parce que c'est la base du cycle humain. Je veux dire, on est chasseur-cueilleur d'origine, on a besoin des minéraux, des vitamines qu'on trouve dans la viande. Alors, quel type de viande ? Ça, c'est une question. Je pense que la Belgique, que ce soit en bio ou en conventionnel, on a vraiment un système d'élevage au niveau bien-être animal et qualité de l'alimentation tout à fait cohérente et équilibrée. Maintenant, il faut que, et c'est ce que la FUGEA a toujours défendu, être autonome. Donc, on a les moyens, on a la surface, on a encore les agriculteurs et le savoir-faire pour produire nos protéines. Ça ne sert à rien de faire venir du soja, de composer le mélange détonnant maïs-soja, mais privilégier voilà, des protéagineux, etc., pour vraiment favoriser l'autonomie et le circuit court. On va réduire les kilomètres et on aura une empreinte environnementale très réduite. Et je pense que j'ai quasiment fait le tour. J'ai quand même fait des petites notes. Et alors... par exemple, donc on voit une forte évolution dans les projets agricoles sur le retour des consommateurs en ferme et du coup à la vente directe, mais ça justifie aussi un investissement en temps et en matériel. Diversiferme pour une fromagerie estime 70 000 euros. Et l'AFSCA, quand on veut démarrer une activité de vente directe, il faut tout de suite les ateliers. Alors on a l'avantage qu'il y a des ateliers partagés qui se mettent en place, mais on devrait investir des gros montants sans être garanti de la vente. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui serait bien de faire évoluer, c'est d'avoir des périodes de transition où l'AFSCA est un peu plus souple parce qu'elle comprend qu'on va tester le marché et que si le marché fonctionne, alors on investira. Mais voilà, ce serait quelque chose, je pense, que toutes les mouvances pourraient soutenir et vont dans cette voie avec les agrochèques, etc., pour ramener les agriculteurs, les consommateurs chez les agriculteurs. Et toujours au niveau de la FUGEA, donc on est membre de CVC, la Coordination Européenne de la Via Campesina. Donc c'est le mouvement mondial des paysans. Et là, on est enfin en train de travailler sur la transmission des fermes, parce qu'on a la moyenne d'âge agricole qui approche doucement la dernière dizaine avant la pension. Et par conséquent, il faut assurer une relève. Et là, on voit qu'il y a deux... Il y a les enfants d'agriculteurs qui ont un pied dedans et donc qui peuvent facilement continuer l'exploitation ou en tout cas se développer sur une autre. Mais on remarque un gros trou entre ceux qui aimeraient s'installer mais qui n'ont pas les moyens, que ce soit d'information, ils ne savent pas quelle terre est en vente, quelle ferme est en vente, etc. Et les moyens financiers pour suivre aussi. Et donc ça, c'est peut-être en intégrant, je veux dire, l'enseignement dans l'école, donc permettre aux enfants, dès le plus bas âge, enfin, et c'est même presque une obligation, je trouve, de renouer avec la production agricole, qu'on verra que certains ont une affinité et qui se diront « oui, mais ce n'est pas réservé à la classe agricole. Moi, même si je n'ai pas de terre aujourd'hui, je peux devenir agriculteur demain. » Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on devrait mettre aussi en place. Donc, il y a des constats négatifs, mais je pense qu'on a encore une génération qui peut faire changer les choses pour maintenir une agriculture active, notamment dans le pays de Herve. Merci. Et voilà, ces deux interventions, évidemment, nous donnent envie d'aller vers les perspectives, mais c'est un peu tout, parce que ce sera après le temps de midi, je suis désolé. Donc l'idée, c'était d'avoir quand même un échange et de voir un peu s'il y a des réactions du public, mais de tenter de rester quand même au niveau des constats et de garder les perspectives et peut-être de se réjouir un peu plus cet après-midi. Si c'est possible, je me rends bien compte, c'est compliqué, parce que je sens bien qu'on a envie de partir et d'aller de l'avant. Et c'est très chouette. Mais voilà. J'ai la voix qui la porte. Une première remarque, le soya, pour ne parler que de ça, les milliers de tonnes qu'on amène ici, se retrouvent sur nos sols sous forme de déchets organiques, des fluores d'élevage. Donc c'est aussi une nuisance. Quand on est en autonomie au niveau des pays, ça fait une différence. Alors, quand j'ai démarré, j'étais jeune, on avait des étapes, c'était, les agronomes nous conseillaient, il y avait un tuyau qui faisait stirpute, qui allait dans la citerne pour que les gaz ne remontent pas à l'intérieur des étapes. En hiver, on aimait bien rentrer, il faisait chaud, il faisait chaud dans l'étape, c'était agréable, les bêtes étaient bien, elles étaient attachées, c'était comme ça. Puis on a commencé à mettre les grilles. Et quand on a mis les grilles, j'ai constaté qu'en une dizaine d'années, les tuyaux galvanisés étaient troués. Donc, les gaz attaquaient tout, et ce n'était pas sain. Puis on est passé très vite aux grosses étapes, fort aérées, pour que le gaz puisse se disperser. Et maintenant, avec les mesures environnementales, on nous impose 6 mois de capacité de stockage de lisier. Mais ce n'est pas très intelligent parce que le lisier continue à maturer, et continue à libérer son gaz. Ça ne dérange plus les bêtes, ça s'en va dans l'atmosphère, etc. Mais alors on nous accuse d'émettre du gaz. Or, pour le moment, on est en période d'interdiction des podages. L'hiver passé, ça a été pareil. On aurait pu charrier un peu à tout moment. Dans les zones à pâturage, l'herbe piège, elle retient tout. Donc, à ce moment-là, c'est le meilleur moment pour le mettre parce que le gaz est fixé au sol comme nutriment. Ça nourrit la flore microbienne du sol, tout du long. Et quand on arrive au printemps, qu'on est en train de charrier, comme cette année, on a eu difficile au début, puis on a charrié mois de février, il a commencé à faire sec, le gaz s'en allait, et la flore microbienne n'est pas apte à bouffer tout d'un coup, pour le dire comme c'est. Donc je pense que ce n'est pas intelligent et qu'au niveau environnemental, on devrait tenir un bilan de ça. Pour montrer ça. On parle de bien-être animal. Je vais prendre les animaux sauvages. Quand on charriait toute l'année, qu'on pouvait charrier, c'était tous les 15 jours et parfois toutes les semaines, vous aviez des volées de corbeaux, de vanneaux, etc., qui venaient là et qui se nourrissaient. Et d'autres oiseaux, des étourneaux qui venaient autour. Donc, on les nourrissait. Derrière ça, vous aviez les renards et les carnassiers qui venaient essayer d'attraper les oiseaux blessés ou essayer de se nourrir aussi de certains déchets qui étaient dans les fumiers. Donc, tout ça était fait, mais c'était l'agriculteur qui gérait lui-même. Maintenant, on ne le laisse plus. On en arrive au point à vous pénaliser. Si vous recyclez en période d'interdiction, vous êtes pénalisé et on vous permet de polluer à des périodes d'autorisation d'épandage. Donc, on n'a plus le savoir-faire ni l'autorisation. On nous coince un peu dans ce système-là. En fait. C'est ça que je voulais faire remarquer dans les constats. Donc, alors, c'est très important ce qui est dit ici et ce qui se dit parce que comme celui qui ignore l'histoire est un orphelin du passé, un ahuri du présent et un déboussolé du futur. Donc, il faut qu'on voie un peu pour le futur. Merci. D'autres réactions pour ces constats de la matinée? Oui, je vais quand même. Les micros ne peuvent pas. dit que les quotas en Belgique ont été monnayés, en France pas, c'est une aubaine pour la France. Moi, je constate, jeune agriculteur, j'ai dû acheter le quota. L'achat de quotas a été une aubaine pour moi. Et en France, qui n'ont pas pu acheter de quotas, ils sont restés petites, les fermes. En France, il y a un, paraît-il, un suicide par jour sous les agriculteurs. Je les connais bien, les agriculteurs français. Ils ne sont pas heureux. Nous, grâce aux achats de quotas, qui est un coût, mais un coût qu'on a pu gagner quand même. Moi, avec le soya, pareil. Le soya, on dit importation de soya, on doit interdire ça. Je veux bien, mais alors, les végans qui bouffent la moitié du soja, il faut qu'ils aient faim. Moi, mes vaches, elles gagnent, comment, sans soya, mon revenu diminue. Je pense, ici, personnellement, moi, je suis comme individu. Je dois gagner ma vie comme agriculteur. Avec le système actuel, je gagne très bien ma vie. Très bien ma vie. Un exemple sur le prix du lait. Dans le Jura, un système où le prix du lait est à 60 cents au litre, le prix que M. Wiesen annonce. Ces gens-là, si le prix chute de 5%, ils sont tous en problème. Donc, ce n'est pas le prix du lait qui met le fermier en problème. C'est la tentation et l'orgueil qui met le fermier en problème. La tentation, puisque la ferme, en fait, pour que je continue vite, la ferme, c'est comme un peu un parc d'attractions. Les machines sont belles, tout est, c'est beau, les enfants, tout le monde aime la ferme. Mais il faut savoir résister. Et plein de fermiers qui sont en problème ne résistent pas. C'est ça que je voulais dire. Chaque argent est dépensé pour des machines, au lieu de garder. Un agriculteur, il a 20 ans pour investir. C'est comme une culture. On plante et puis on récolte. Mais on nous fait toujours dire qu'il faut investir pour avancer. Non, on achète, moi à l'époque, un truc bien concret. J'achète une ferme pour 11 millions de francs belges. J'ai dû rembourser 33 millions, puisque c'était un prêt à intérêt constant. 33 millions sur 20 ans que j'ai dû rembourser. Ça veut dire que par après, je peux mettre 33 millions dans ma poche. Si je le fais calmement. Donc, en général, un fermier, s'il réfléchit, il gagne bien sa vie. Oui, mais le but dans la vie n'est quand même pas de capitaliser. Il faut vivre d'abord. Ah ben, vivre, hein. C'est ça. Et s'il y en a tant qui disparaissent, il y a quand même un problème. Hein. Quand il y a du caca, il y a des mouches. Hein. Ah ben, il y a caca. Hein? Il y a des problèmes, oui. De nouveau. OK, je suis d'accord. Le problème, c'est que faire la ferme, c'est pas compliqué. C'est très facile pour celui qui le sait. C'est comme jouer au violon. Le violoniste va dire, c'est très facile. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de fermiers, c'est cru à dire, qui ne sont pas capables de faire la ferme. Et ceux-là disparaissent. C'est cru à dire, mais c'est ainsi. Oui. Voilà, c'est un avis, un autre avis, pour un autre constat. Une autre approche. Agriculteur toute ma vie, maintenant c'est les enfants qui sont sur la ferme. Les circonstances de la vie font qu'ils se sont retrouvés avec 120 hectares. En région herbagère, donc c'était merveilleux. Et puis ils ont lancé du maraîchage, parce que ça n'en était pas encore assez. Les charges financières étaient encore supérieures. Bon, et pour une philosophie aussi, ils ont lancé du maraîchage. Aujourd'hui, 1,5 hectare de maraîchage rapporte autant, si pas plus, que 118 hectares 50 de production. Donc, il y a un problème, hein. Mon voisin n'est pas tout à fait d'accord, je le sais bien, mais... Là, les bio, comment en maraîchage, c'est connu que maraîchage bio, les problèmes financiers, c'est dans les maraîchers. Ceux qui font les légumes n'ont pas de revenus. Ton beau-fils, il a dit lui-même, le problème avec les maraîchers, c'est quoi? Trouver de la main d'œuvre. Est-ce correct d'aller payer des gens, faire venir des gens d'Ukraine ou je ne sais pas où, à un prix de 8 euros de l'heure pour venir travailler ici? Alors, ça s'appelle de l'esclavage. Oui, mais... Donc, et de nouveau, comme tu dis, moi, mon gamin vient de reprendre la ferme. Il n'a aucun problème financier. Et il va avoir une ferme bien viable. Parce que les problèmes financiers qui arrivent chez les jeunes, qu'on dit toujours, il faut aider les jeunes. En fait, si on aide les jeunes, on n'aide pas les jeunes. On aide le vieux qui escroque le jeune. Parce que si le vieux remet la ferme à un prix convenable au jeune, le jeune n'a pas besoin d'aide de l'État. Hein? Mais le vieux, il doit pouvoir faire... En fait, le vieux, il demande au jeune qu'il fasse sa pension et son revenu. Ça, c'est pas possible, ça. Le vieux avait dû faire sa pension. Ça, c'est un fait certain, mais... Alors, on va essayer de donner la parole à tout le monde. Hein, oui, oui. On a un avis. On va tenir l'après-midi. On mangera des sandwichs ensemble aussi. Ça donnera l'occasion, monsieur, non? Vous voulez intervenir? Je vais plutôt poser une question parce que l'après-midi, je dois être au travail. Et donc, quand j'entends l'ensemble de ces constats, est-ce que la réponse est à l'autonomie? Est-ce qu'en phase de transition, il faut aller vers l'autonomie? Ça veut dire pouvoir être plus maître chez soi ou plus réapproprié. Je ne veux pas dire maître. Se réapproprier, ça veut dire l'accès à la terre pour de plus en plus de personnes, de plus en plus de fermiers sont âgés. Mais est-ce qu'il faut que de plus en plus de citoyens, de concitoyens, aient une relation directe, par les circuits courts ou bien même avec leurs mains et leurs bottes dans le travail de la terre, donc moins de dépendance, soit avec les grandes entreprises agroalimentaires mondiales ou l'industrie chimique, moins de dépendance à l'hypermécanisation et ainsi de suite. Donc je pose la question maintenant, je n'ai pas besoin de la réponse puisque c'est plutôt pour l'après-midi, mais comme je reviendrai le soir... On me la rapportera. Bon, alors, on répond. Vous ne serez pas là, on ne va pas quand même. Non, on va prendre le temps. Non, ça peut il est midi 27, c'est pas mal. Pas très bon. On va quasiment respecter l'horaire. Je remercie déjà tous les intervenants qui se sont donné la peine effectivement de respecter l'horaire. Voilà, pas respect pour tout le monde. Désolé, je quitte tout de suite. Je quitte tout de suite. Ça nous lancera de manière peut-être plus agréable vers le temps de midi et vers la suite. Donc je vais quand même donner la parole. Dans les évolutions, les constats que j'avais fait tantôt, et Luc, ça peut être intéressant pour toi, on a fait une étude avec l'INS et la DGA sur le temps de travail par hectare. Et donc, en 2017, un hectare de froment demandait entre 4 et 8 heures de travail par an. Donc, moissonner, etc. Un hectare d'herbage... où il y avait des animaux, donc évidemment c'est pas l'herbage qui demandait ça, mais l'activité qui était sur cet hectare-là était aux alentours de 40-45 heures l'hectare. Un hectare de maraîchage, on était à 150-200 heures. Évidemment, je veux dire, la carotte ou la fraise, c'est tout à fait différent. Et donc le problème qu'on a aujourd'hui, et quand tu dis relation à la terre, moi j'ai un gros problème aujourd'hui avec un certain nombre de propriétaires qui se disent, moi je suis agriculteur, et on voit ça très fort au SB. Ben, vous avez aujourd'hui 20 hectares de céréales, ça n'est pas un temps plein, vous pouvez faire ça au bit sans problème, et vous avez un accès à la terre. Vous avez des animaux, c'est pas un temps plein, c'est pas un mi-temps, c'est un temps plein. Et le problème, et il faudra qu'on revienne à la réflexion sur notre région, hein, quand on parle de mondialisation, etc., notre région est une région herbagère. Et ce qu'il faut, voir, ce qu'on voudra pour notre région demain, si on veut continuer à avoir des prairies, comme... Christine l'a bien dit tantôt, on se retrouve dans une situation où il faudra des animaux, donc il faudra des heures de travail. Et donc cette relation à la terre, relation à l'élevage, relation à un certain nombre de choses devrait être faite par les gens, et la question comment? Peut-être la réflexion à mi-temps, agriculteur à temps partiel ou à titre complémentaire, etc. Et c'est toute une problématique, parce que si on ne fait pas gaffe demain, on aura des terrains qui seront laissés à l'abandon, les meilleurs terrains seront cultivés, et ce que Vanessa a dit, c'est tout à fait flagrant dans la région Ardennes, hein, on n'a plus de vaches, on a des cultures, bon, indépendamment de la réflexion sur tout le climat, c'est aussi une discussion sur le futur, je vais dire, de notre agriculture. Et donc ça, c'est dans la réflexion qu'on devra avoir demain ou tantôt pour la réflexion du futur. Il faudra bien y réfléchir à ce qu'on veut. On est dans une région herbagère. On est sur des prairies. Et le peu qui est cultivé l'est, mais on ne sait pas, on ne sera pas cultivé beaucoup plus. Donc il faut bien réfléchir. Et c'est une réflexion à avoir pour le futur de la discussion. Oui, ben moi je voudrais appuyer un peu le jeu de Vanessa de tourner sur soi-même, mais je constate quand même que le mot agricole herbagé en tout cas, parce que je ne connais pas du tout l'autre au niveau matériel, mais on est un peu comme le consommateur. Et si on entre dans le jeu de la consommation, on est sûr de ne jamais rien gagner. Parce que quand il faut savoir calculer la rentabilité d'un tracteur, Si vous en achetez un de 125 000, parce que la ferme est un peu grande, et puis on met une faucheuse de chaque côté, et puis encore une devant, ça fait vous faucher avec 150 000 devant vous. Bon, c'est pas du tout économique. Donc il faudrait prendre à calculer quand même, comme il faut, les intrants qui rentrent dans les régions herbagères. Voilà. Je trouve que l'erreur qu'on fait agriculteur, c'est de regarder le voisin et de vouloir le copier parce qu'il a plus. En fait, ce qu'on doit regarder, c'est chez soi et surtout sa comptabilité de gestion. Parce que là, vous avez énormément d'indices qui vous disent où vous vous situez, vers où, ce que vous devez améliorer. Et malheureusement, tous les agriculteurs n'en ont pas. Et ça, pour moi, c'est un outil vraiment qu'il faut privilégier. Je ne sais pas s'il faut le rendre obligatoire, je ne sais pas. Mais en tout cas, on doit beaucoup mieux étudier sa comptabilité de gestion et elle doit être bien faite. Voilà. Le drame, c'est que nos syndicats, il y a quelques années, étaient d'abord des banquiers avant des défenseurs. Hein. Vous parlez de Rondon, là? Oh, non, tous les UPA étaient tous secrétaires banquiers. Hein. Si. J'ai, pour mon malheur ou pour mon bonheur, j'ai toujours été un peu réactionnaire. J'ai quitté ce groupement, j'ai été à l'Union des exploitants familiaux. Ça disait bien son nom, c'était l'UDEF. L'Union. Mais nous n'y étions malheureusement pas liés à un groupement bancaire. Et quand on avait un client qui avait besoin d'être sous, ben on l'envoyait chez le secrétaire UPA. Mais il défendait d'abord sa banque, et c'est tout à fait normal. Il défendait d'abord sa banque avant d'être vraiment un défenseur de l'agriculteur. Il y avait un point de vue, effectivement. J'entendais que là, on arrive sur des terrains parfois un peu glissants et c'est juste vous venez vers un tourbillon lointain. Donc voilà. Alors, on va prendre peut-être juste Johanna et puis après. C'est très rapide. Je voulais juste dire qu'il y a quelques semaines, il y avait une super conférence de Philippe Barret et il a chapeauté plusieurs études pour la région Wallonne, pour Greenpeace, pour différents acteurs qui ont été très bien faits. Et donc, il y a deux petites réflexions que j'ai spontanément. Bah, vous les connaissez certainement, ces chiffres, mais donc j'invite tout le monde à réécouter cette conférence qui était vraiment très bien. Mais donc, par rapport aux céréales, c'était vraiment effroyant. Je pense que je ne sais plus les chiffres exacts, mais je crois que c'est 17% des céréales qui sont vraiment utilisées pour la nourriture. Le reste, c'est agrocarburant et nourriture du bétail. Et ça, je pense qu'il y a très peu de gens qui le savent. Et ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui peut orienter les réflexions vers l'autonomie. Et par contre, il y a une autre étude qui a cité, qui dit que le mieux pour l'avenir, ce serait vraiment que de privilégier la viande rouge parce que c'est les herbivores et ils ne bouffent pas les céréales, ils bouffent l'herbe directement et que c'est ça vraiment l'avenir. Bon, c'est juste deux petites réflexions, mais je ne vais pas m'étaler, mais allez voir la conférence qui est encore enregistrée et qu'on peut réécouter. Voilà. Juste une petite information par rapport au lien qu'on peut, enfin, l'amalgame en fait qu'on peut faire entre syndicats et banques. Il faut savoir que l'ancienne PAC avec ISA, donc l'investissement dans le secteur agricole, tous les jeunes passaient là-dedans, il y avait une subvention intérêt. Ça veut dire que c'était dans l'intérêt des banques de faire les dossiers de reprise des jeunes. Ce n'est pas forcément en lien avec les syndicats. Et avec la réforme vers ADISA, donc la PAC 2014-2020, cette subvention intérêt a été supprimée parce que justement, on remarquait une déviance de l'argent qui normalement devait aller dans le secteur agricole, qui allait dans les banques. Donc ça, vraiment bien faire attention à l'origine. Et c'était une déviation politique. Je veux dire, voilà, les syndicats n'ont rien eu à dire là-dedans. Et d'ailleurs, ça a été changé à la PAC suivante. Donc voilà. En tant qu'agriculteur, vous pouvez aussi dire directement ce qui ne va pas. C'est quelque chose qui a été relevé et ça a pu être modifié. Mais c'est clair que si ça ne remonte pas du secteur, on n'est pas dans toutes les fermes pour savoir ce qui se passe, quoi. Donc voilà, merci. Le plus difficile, l'après-midi, c'est plus difficile de ne pas s'endormir. Hein, oui. Hein, oui, parce que c'est la digestion et tout oui, ça, je compte sur vous. On n'a pas mangé des biftecs. On n'a pas mangé des gros beefsteaks. Je crois que ça va aller, du coup. Je crois qu'on va tenir le coup, ça, c'est certain. On compte sur vous, hein, parce que vous êtes en première ligne. Hein. Alors voilà, j'essaye de prendre la main. Hein, de vous êtes relativement sage, c'est cool. L'après-midi, donc, l'idée, j'espère, on verra, je ne sais pas, c'est que ce soit plus réjouissant. Donc, parler des perspectives, en tout cas. On va commencer par voir la suite des témoignages que nous avons vus donc ce matin, en tout début. D'ici quelques années, nous autres nous arrêterons et on sait que la ferme ne sera pas reprenable puisqu'on est entouré de nouvelles constructions, c'est plus possible. Je crois qu'on continuera comme on a ici pour le plateau. On a une richesse ici au plateau de Herve d'avoir beaucoup de fermes différentes, avec des diversifications différentes, des grandeurs différentes, des formes de fermes différentes aussi. Et je crois que c'est une richesse du plateau de Herve que nous avons ici. Je ne crois pas qu'on doit s'orienter vers une seule formule, 1000 vaches ou 300 vaches. Non, il faut continuer dans ce que nous faisons, des diversifications. On a une spécificité quand même au Pays d'Herve, c'est que, et même en région Wallonne, pour les exploitations laitières qui sont majoritaires chez nous, on fait quand même du lait pâturage. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être valorisé à sa juste valeur. Et on peut déplorer quand même qu'on n'a pas de filière spécifique sur du vrai pâturage. Et pas de, voilà, quand on voit le lait comme il est produit dans d'autres régions, il y a pas mal d'endroits où les vaches ne sortent plus. Ce ne sont pas des ratios à base d'herbe. Et je pense que si la valeur ajoutée qu'on pourrait amener à la région, c'est justement ce que chez nous, on pratique encore du vrai pâturage. Et on peut déplorer le fait que on n'a pas assez de filières suffisamment valorisantes pour ça. Pour moi, c'est quelque chose à développer, mais il faut que tout le monde suit, quoi. Les transformateurs, je ne suis pas sûr que tout le monde peut transformer la ferme comme je le fais, parce que ça demande beaucoup de contraintes et ça prend beaucoup de temps. Le fait que justement l'incertitude de prix rémunérateur pour le producteur, c'est un facteur aussi qui pourrait décourager des jeunes à se lancer. Et d'un autre côté, voilà, c'est un peu le nœud du problème. Il y a aussi le foncier qui est beaucoup trop cher. Hein. Il y a trop. Voilà, les prix sont trop élevés des terrains. Et les locations commencent aussi à certains endroits devenir élevées. Donc, voilà, les solutions, je ne les ai pas comme ça. On peut constater qu'il y a certains problèmes qui sont là. Et l'écoulement, on a déjà des coopératives qui se lancent pour aider la distribution des produits. Donc cette terre d'herbage qui s'est constituée l'année passée et qui aide les producteurs transformateurs à pouvoir distribuer les produits via les revendeurs, soit des revendeurs à la ferme ou peut-être via les petites épiceries aussi de village ou de quartier, qui facilite aussi le travail de celui qui transforme à la ferme pour ne pas devoir à chaque fois perdre du temps de la logistique et autres. Donc la coopérative a aussi pour but de se réunir entre filières et de trouver des solutions pour pouvoir avoir des achats groupés par exemple ou pour pouvoir développer aussi des outils communs pour chaque filière. Il y a une volonté de pas mal de personnes de pouvoir se réapproprier la nourriture que les gens mangent, savoir d'où c'est produit, d'où ça vient. Et ça, on voit qu'il y a un dynamisme qui est présent partout, en tout cas même en région Wallonne ou même dans toutes les régions autour de nous. Et ça, c'est certain qu'il y a un engouement par rapport à ça. Et le fait d'avoir des outils pour pouvoir aider à se développer, à tous ces acteurs-là de se développer, c'est intéressant. Oui. Maintenant, voilà, je pense qu'au niveau agricole, tout le monde ne saura pas faire la transformation ou la diversification. C'est une piste, mais je crois que pour la pérennité de toutes les exploitations, il faut développer toutes les filières. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'il fallait valoriser le pâturage pour la filière laitière, notamment, qui est forte présente chez nous, c'est quelque chose qui devrait être aussi développé. Même si voilà, des nouvelles initiatives aussi sont là, donc il y a des maraîchers qui se lancent un peu partout. Et là, il faut qu'ils soient solidaires, qu'ils se parlent entre eux, et ils sont en général très ouverts. Et je crois que c'est bien aussi d'avoir des gens qui, qui travaillent pas l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre, quoi. Peu importe la filière dans laquelle on se trouve. Il y a énormément d'initiatives qui se mettent en place, notamment des petits marchés qui regroupent des producteurs locaux. Et je trouve que de manière générale, il y a énormément d'initiatives pour aller vers un monde un peu meilleur, une alimentation un peu plus saine. On essaie de remettre en valeur les petites productions, les petits agriculteurs. Plutôt positif quand même. Je pense qu'il est important vraiment de retourner vers les petits producteurs, vers les. Enfin, essayer de retrouver un peu la valeur des produits qu'on vend et de manière à pouvoir remettre les petits producteurs en avant et de remotiver peut-être un peu la population à l'agriculture. Quoi. Enfin, on a le retour hyper positif de la clientèle et ça, c'est vraiment. C'est hyper enrichissant. Quand on a beau avoir fait une journée de 15 heures, on rentre chez soi, on a eu des sourires, des compliments sur nos produits parce que, bah, en effet, c'est des produits qui ne valent pas ce qu'on voit en grande surface. C'est des produits qui ont toute une histoire, toute une plein de valeurs, plein de saveurs. Et ça, ça vaut toutes les heures qu'on a derrière les deux. Maintenant, si on envisage ça pour la région, moi, ce que je sais, c'est que la production laitière wallonne correspond à ce que la Wallonie consomme. Même si derrière ce chiffre-là, il y a beaucoup de produits qui sortent et qui entrent en Wallonie, mais au niveau des volumes, il y a une adéquation. Mm-hmm. Alors, ça me fait dire que la production laitière a toute sa place en Wallonie et plus particulièrement au pays de Herve. Mmh. Je trouve que c'est quand même une belle façon de valoriser les herbages qui caractérisent notre région, quoi, avec les avantages environnementaux que la prairie permanente a et qu'on connaît, enfin, le puits de carbone, mmh, et ainsi de suite. Maintenant, on évoquait tout à l'heure un peu qu'on est à un seuil critique parce que si on doit encore agrandir les exploitations pour pouvoir dégager un revenu, mmh, on ne saura plus pratiquer le pâturage. C'est une pratique qu'on ne sait pas faire avec des très grands troupeaux. Donc pour moi, là, on est vraiment au seuil critique. Et donc il faudrait parvenir à rester à des tailles d'exploitation plus ou moins assemblables à ce qu'on a aujourd'hui. Mmh. Et pour ça, il faudrait qu'on parvienne à valoriser le lait de pâturage. Mmh. Et la première chose à faire, à mon avis, ce serait de redéfinir ce qu'est un lait de pâturage. Mmh. Et aller chercher une plus-value là-dessus. Ça serait une bonne chose pour la région au niveau de la production laitière. Donc maintenant, la production laitière a pour moi une place de choix, mais il ne faut pas rester fermé à d'autres projets et de nouvelles initiatives d'activités agricoles. Je trouve que ce qu'il faudra à ce moment-là, quand il y a des nouveaux projets, c'est qu'il y ait une concertation. Il y a quand même, le monde agricole est fédéré, et qu'il y ait une concertation, surtout concernant l'affectation des terrains. Et je pense aussi que le GAL pourrait aussi être un vecteur de communication, mm-hmm, et un petit peu rassembleur autour de cette problématique-là, mais il n'y aura pas non plus de solution miracle. Mm-hmm. Et pour finir, moi je dirais que c'est quand même le consommateur qui a les clés en main. Par son acte d'achat, c'est, mm-hmm, lui qui décide. Mm-hmm. Et l'agriculture, la transformation et la distribution s'adapteront au choix du consommateur, mais... Voilà, c'est pas nouveau, mais ça reste vrai. Donc voilà, on va poursuivre alors avec des interventions. Et donc, comme ce matin, je vais donner la parole à Benoît Wiesen, et puis à Astrid Bouchdor, et puis Henri Leclos, et puis nous aurons différents témoignages aussi de choses qui se mettent en place. Donc voilà, et puis on aura quand même un petit débat tous ensemble. Voilà. La parole à Benoît Wiesen. Oui, donc il y a un PowerPoint. Joseph, c'est, voilà. Donc, les perspectives d'avenir, je vais peut-être un peu mettre les pieds dans le plat, les pavés dans la mare, mais bon, vous me connaissez, petit coup de gueule, et puis voilà. La problématique, suivant, oui, la problématique, en fait, on va être très clair, la transmission des exploitations, c'est identiquement la même chose qu'on rencontre dans toutes les transmissions d'entreprise. Donc il faut bien vous dire une chose, et ça, je crois que c'est important, et on a eu l'occasion d'en discuter à la foire de Baptiste. L'agriculture est une entreprise comme toute autre entreprise. Donc le problème de ça, c'est qu'il faut d'abord voir ce que nous voulons. Est-ce qu'on veut transmettre des agriculteurs, garder le paysage, garder une sécurité alimentaire? Donc quand on en parlait tantôt et quand Benoît parlait tantôt de la réflexion et Christine aussi tantôt, donc on est dans une réflexion où c'est quoi que le consommateur veut. Mais donc qu'est-ce qu'on constate? C'est que quand on reprend une ferme, on s'engage pour 15-20 ans ou plus. 15 ans, c'est un minimum. Quelle est la personne aujourd'hui, et je regarde parmi tous les jeunes qui sont ici, qui s'engagent pour et qui disent « je vais travailler dans cette usine-là pour 20 ans ». Je vois des gens qui se sont engagés, mais souvent, après 5 ans, « oh, j'en ai marre, je vais essayer autre chose ». Regardez, dans l'enseignement, c'est assez symptomatique. Tout le monde est motivé, mais il n'y a pas 20 ans. Donc, il faut s'engager pour 20 ans. Comme Benoît l'avait dit tantôt aussi, c'est un travail en dehors de la vie sociale. Mais c'est la même chose pour le boulanger, pour le truc. Il y a X années d'ici, quand on faisait un mariage, on faisait la messe le matin, on faisait le repas à midi. À 3 heures, l'apéritif était terminé et on faisait la fête le soir à 5 heures. Parce qu'on pensait au fermier qui allait traire. Aujourd'hui, vous faites l'apéritif à 5 heures. Donc voilà, match de football à 5 heures. Troisième problématique, c'est l'importance des investissements. Donc on est dans une réflexion identique à Coquerel-Sambre, donc on est dans un investissement à long terme. En fait, et on en a parlé tantôt, le fermier vit pauvre, mais riche. Lui ou ses enfants. Retour, donc, comme j'ai dit, très lent sur l'investissement, des travaux d'astreinte importants, donc là aussi, la main-d'œuvre extérieure est impossible à payer, ou alors, si on en a et qu'on la paye, elle n'est pas toujours payée à son titre légal. Il n'y a pas d'assurance de prix de vente, que ce soit, je veux dire, pour la personne qui produit pour l'agro-industrie, mais aussi pour le gars qui fait des produits. Ben, il va vendre, il a son prix de revient, mais il n'a pas une sécurité au niveau de son prix de vente. Et puis, c'est assez surprenant, mais bon, je suis pas très jeune, je suis pas encore très vieux, mais si je reprends les gens d'un certain âge et je vois Gaston, les coopératives, les amis, dans les années 30, il y avait des coopératives dans tous les villages pour collecter le lait. Ces coopératives ont été fusionnées avec d'autres coopératives, et aujourd'hui, il y a toujours des coopératives. Arla est une coopérative, je le rappelle, mais une fameuse multinationale. Donc, on est dans un éternel recommencement. Je n'ai pas dit que c'était bon ou mauvais, mais regardez l'histoire. Regardez l'histoire. Donc, si on passe à la... Je veux dire, ça, c'est les petites constatations. Mais donc, il y a quand même des possibilités. Et moi, je crois très fort à l'agriculture à temps partiel. J'y crois très fort parce que c'est une agriculture qui, en fait, permet aux personnes qui n'ont pas une structure pour en vivre de faire ça en tant que hobby et en tant que, je veux dire, activité partielle. Et donc, c'est toute la liaison avec les terrains, etc., toute la liaison aussi avec le sol. Et ça peut être intéressant. Et ce qui est assez intéressant et interpellant, et moi, je me pose vraiment beaucoup de questions, en Hollande, et Dieu sait si les Hollandais savent ce que c'est que le commerce, il y a X années d'ici, les producteurs hobby, ils s'en foutaient complètement. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont hyper courtisés par l'agro-fourniture, parce que c'est des gars qui achètent, peu peut-être, mais qui payent de suite, et qui ne discutent pas toujours du prix. On préfère parfois vendre 5 tonnes et d'avoir ses sous, que de vendre 50 tonnes ou 500 tonnes et ne pas avoir les sous, ou bien X temps plus tard. Il y a aussi, et ça, dans notre région, c'est une obligation, on commence à le faire, mais Benoît l'a bien dit, qualité différenciée, le lait à l'herbe. Alors, il n'y a rien de plus frustrant, et moi, c'est un vrai coup de gueule, quand vous prenez aujourd'hui chez Colruyt du fromage Gouda qui vient d'Hollande avec lait de pâturage. C'est de la couillonnade, mais malheureusement, ils foutent le bordel dans le bazar, parce que demain, tu vas dire, moi, c'est du vrai pâturage, mais quelle est la différence avec ce label qui n'en est pas, mais il est sur tous les paquets. Mais donc, il y a une obligation de faire une qualité différenciée. C'est vrai qu'aussi, il y a une réflexion au niveau de la niche, etc. Bon, voilà. Peut-être que demain, et ce n'est pas idiot non plus, ben, l'agriculture sera rémunérée pour entretenir le paysage. Pourquoi pas? Il n'y a pas de saut métier. Enfin, l'agriculture, aujourd'hui, a toujours été habituée de produire pour le ventre, mais il peut aussi produire pour les yeux. Et pourquoi pas, mais ça c'est l'autre coup de gueule et qui est tout à fait différent, pourquoi pas les agriculteurs salariés? On a vu qu'un des problèmes qu'on avait, c'était la vie sociale et les sous. Je rappelle que dans le monde porcin aujourd'hui, il n'y a pas 1% des exploitations qui ont encore les porcs à eux. c'est tous des ports qui appartiennent à l'agro-industrie, et donc je suis entre guillemets salarié de l'agro-industrie. C'est peut-être pas bien, c'est peut-être bien, mais c'est peut-être un avenir pour certains. Mais donc, il y a des solutions, c'est à nous de décider, c'est à l'agriculteur à le décider, mais on l'a vu tantôt, les jeunes, ils sont de moins en moins nombreux, bien qu'il y a des jeunes, hein, on en a certains parmi nous qui ont repris ou qui veulent reprendre des fermes, mais il y en a beaucoup moins qu'il y a 30 ans, mais je veux vous dire aussi qu'il y a 30 ans, il y a un certain nombre de gens qui ont repris la ferme par obligation, c'est papa qui a décidé que tu étais trop gros pour faire des études, tu as fait la ferme. Aujourd'hui, les gens qui se décident de reprendre la ferme, c'est des gens qui le prennent volontairement. Donc, c'est peut-être pas plus mal. Et donc, il y a un certain nombre de possibilités. Voilà, je laisse ça à votre discrétion et c'est pour les commentaires tantôt. Merci, Benoît. Il y a quand même des choses qui reviennent à chaque fois. On parle du consommateur, encore, il en a parlé. Le choix du consommateur, enfin, tu parles de Colruyt. Un exemple parmi d'autres, hein, Colruyt. Donc, voilà, mais c'est intéressant. Et après, un truc que tu dis, moi, qui m'interpelle toujours, mais j'alimente, hein. C'est effectivement, est-ce qu'il est normal que notre alimentation repose sur des personnes qui sont obligées, qui n'ont pas le choix d'être indépendantes pour faire leur métier et donc qui doivent supporter elles-mêmes, dans leur petite entreprise, tout le risque? Voilà, je pose la question, c'est un truc moi, que j'ai en tête souvent. Donc voilà, mais je vais donner la parole à Astrid Bouchedor pour la suite. Du coup, pour cette deuxième partie qui s'intéresse aux perspectives, je voulais vous présenter rapidement des outils ou des cadres d'analyse sur lesquels on peut s'appuyer pour envisager la suite. Et donc, j'ai pris à trois niveaux de pouvoir un instrument onusien, la déclaration des droits paysans, paysannes et autres personnes travaillant en milieu rural. Ensuite, j'aimerais évoquer la PAC post-2020 et enfin la déclaration de politique régionale. Donc, je vais juste évoquer en une minute chacun de ces instruments pour alimenter la discussion. Donc, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans, paysannes et autres personnes travaillant dans les zones rurales, c'est un instrument donc onusien, c'est un instrument non contraignant, mais qui a été négocié par les mouvements sociaux. Donc, les mouvements paysans de la Via Campesina ont été porteurs de ce texte, porteurs des décisions, et ils se positionnent en détenteurs de droits. Donc c'est vraiment cette approche droit humain, je crois que c'est important de le rappeler, que les paysans sont ici détenteurs de droits et les États ont des obligations à rendre des comptes. Voilà, ça c'est important de rappeler dans un cadre. On n'est pas tous sur un pied d'égalité, il y a une asymétrie de pouvoir. Donc c'est aussi le cadre droit humain nous permet de dépasser cela. Donc cette déclaration, elle a été négociée pendant un peu plus de 15 ans et c'est le Conseil des droits de l'homme en fait qui, suite à une étude qui a été rédigée en 2008, qui a vraiment identifié le besoin de créer un outil spécifique pour les paysans paysannes qui font face à une discrimination systématique et spécifique, et donc le besoin de créer cet outil propre. Il y a eu 5 séances de négociation pour arriver à un texte qui a été voté en 2018 avec une large majorité. Une abstention des États européens, pas tous, mais la Belgique s'est abstenue. Qu'est-ce que ce texte nous apporte en fait? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il permet de clarifier et de rassembler tous les droits des paysans, paysannes et personnes vivant en milieu rural. Parmi ces droits, on a par exemple le droit à la terre qui jusque-là n'avait pas été défini dans le droit international. Donc c'est vraiment une avancée, le droit aux semences, le droit à un revenu décent. Et donc ce texte qui est maintenant un texte qui a été adopté par l'ensemble des États des Nations Unies doit être mis en œuvre. Et donc il va être mis en œuvre dans chacun des pays. Là-dessus, c'est sûr qu'on a aussi un rôle à jouer dans la mise en œuvre, de rappeler à nos États leurs obligations. Donc le travail en Europe, il ne fait que commencer. Et en tout cas, auprès de la Belgique, on attendait que les nouveaux gouvernements soient en place pour aller les rencontrer et faire des propositions de mise en œuvre de cette déclaration. Au niveau européen maintenant, la PAC, donc, qui a été discutée ce matin par Henri, pour l'instant le calendrier est assez flou en ce qui concerne la réforme et quand est-ce que la nouvelle PAC sera mise en œuvre. Ce qui est pressenti, c'est que ce sera certainement le cas à partir de 2022 au plus tôt. Qu'est-ce qu'on sait déjà de cette nouvelle PAC? Les faits les plus importants, bien, c'est que le budget sera moindre. Donc on aura un budget réduit dû au Brexit, mais pas que, c'est aussi une volonté de réduire cette enveloppe. Une quasi-absence de mesures qui vont concerner spécifiquement la qualité des denrées alimentaires et de la santé. Par contre, on a un focus sur les technologies, en particulier le numérique. Et puis surtout une PAC qui va être de moins en moins commune dans le sens où les États membres vont avoir une marge de manœuvre plus importante, notamment dans la définition de ce qu'on appelle les plans stratégiques nationaux. Donc là, on va avoir un rôle à jouer puisque en Belgique, où c'est une compétence qui est régionalisée, c'est donc la région Wallonne qui va pouvoir quelque part dessiner les contours de la mise en œuvre de cette PAC. Voilà, je ne détaille pas plus les types d'aides, mais en tout cas, il n'y a pas de grande révolution sur toutes les critiques qui ont pu être émises sur le découplage des aides. On va être sur un schéma assez similaire. Maintenant, au niveau régional, donc maintenant que les gouvernements ont été installés, ils ont chacun fait leur déclaration de politique régionale. Donc, qu'est-ce que la déclaration de politique régionale Wallonie nous apprend ? Bien, à la première lecture, on est assez enthousiaste, puisque la défense de l'agriculture familiale et paysanne est expressément énoncée comme un objectif du gouvernement. Donc, on parle du premier rôle de l'agriculture, qui est de garantir une nourriture de qualité et en quantité suffisante à des prix accessibles. Donc, on a vraiment les principes de l'agroécologie qu'on peut retrouver dans cette définition. On a aussi une vision holistique, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte tous les liens que peut avoir l'agriculture avec la santé, avec l'emploi, avec l'environnement. Donc là aussi, on est assez optimiste quand on lit ce texte. Et il y a aussi une première ébauche de gouvernance participative avec la mention qui est faite de la possibilité de créer des conseils alimentaires locaux. Voilà, donc un bilan qui est largement positif. Par contre, ces intentions, elles restent assez générales. Et ce qui manque surtout, c'est des chiffres. Comment est-ce qu'on va financer, en fait, cette politique ? Là-dessus, on n'a pas d'éléments précis. On ne sait pas. Et c'est à peu près le cas pour tous les autres secteurs de la politique régionale où, finalement, rarement, on a budgété, en fait, les intentions de ce nouveau gouvernement. Voilà. Et la gouvernance reste limitée. J'ai évoqué les conseils de politique alimentaire, mais on ne dit même pas quel va être leur rôle et à quoi est-ce qu'ils vont servir. Donc voilà, il faut encore là-dessus être vigilant. Mais donc la question du financement, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et donc, est-ce que le nouveau gouvernement aura la capacité ou non de financer de manière adéquate le programme qui est proposé ? Ça sera le facteur majeur, en fait, de réussite ou d'échec de ce programme. Donc à nous aussi d'aller leur rappeler les engagements qui ont été pris et s'assurer à ce que ça soit réalisé. Voilà. Donc, je rappelle un peu le titre de notre conférence. C'est nous nous posons des questions du devenir de nos fermes, sur leur rentabilité, sur leur transmission. Quel futur pour notre région ? Quel futur pour notre humanité ? Tout se tient. Nous n'avons qu'une planète. Il ne suffit pas de manger local, mais il faut savoir comment on produit, quel impact cela a sur les générations futures. Je donne comme cette dimension-là. Tous les paysans du monde sont mis en compétition. Plus de 80% des cultivateurs d'Afrique, et un certain nombre encore, autant, si on peut, enfin un peu moins, mais en Asie, en Amérique latine, travaillent toujours en culture manuelle. Et or, nous sommes tous en compétition les uns avec les autres dans tout cela. Donc le rapport de productivité entre l'agriculture la moins productive et l'agriculture la plus productive, elle est toujours de 1 à 500. Et qu'il faut se rappeler que la fonction première de l'agriculture est une fonction nourricière. Je considère, moi, que le libre-échange actuel est contraire à la souveraineté alimentaire. Elle devrait être l'objectif pourtant pour tous les peuples. Pour notre réflexion aujourd'hui, je vais vous partager quelques idées sur trois pistes, essentiellement sur le monde de commercialisation, sur les dangers des excès, donc de rompre avec les dépendances et qu'il faut nécessairement changer à chaque niveau de pouvoir. Je commence par une réflexion sur les trois niveaux de commercialisation actuels. Et le premier que nous connaissons tous, c'est le circuit long. Donc la production de lait, où on livre à la laiterie, voilà, la laiterie s'occupe de toute la valorisation, et 85 à 90% du lait est autoconsommé dans l'Union européenne, donc par les pays. Mais en effet, La priorité de la Commission pour le moment et des instances de l'Union européenne est de développer l'exportation. Et la nouvelle présidente, Mme Ursula von der Leyen, nous a bien expliqué dans sa première déclaration, nous voulons une Europe plus verte et ouverte sur le monde. Donc, elle veut toujours mettre en priorité le grand export. Et les récents accords de libre-échange actuels, que ce soit avec le CETA, le Mercosur, le Japon, le Vietnam, etc., et d'autres en négociation, sont dans cette direction-là. Or, pour moi, cette orientation-là, elle amène une mise en concurrence, elle amène une volatilité des prix qui est insoutenable pour les éleveurs, parce qu'une ferme a besoin d'une vue sur le long terme pour faire ses choix. Dès lors, cette orientation, pour moi, elle est vulnérable à plus d'un titre. Le contexte géopolitique est plus qu'incertain. Nous avons actuellement une guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis, entre la Chine et les États-Unis, et tout peut arriver avec un Trump au pouvoir. Donc, nous pouvons assister très rapidement à une crise financière, nous pouvons assister à l'avènement d'une maladie contagieuse qui stoppe les exportations et qui entraîne tout du moins une chute des prix. De plus, pour accéder aux marchés mondiaux, il faut avoir des prix compétitifs, donc des prix bas chez le producteur européen. Si nous avons des prix qui couvrent nos coûts de production et un salaire décent, nous ne serons pas compétitifs, ou plus, ou pas assez. D'où l'intérêt des industriels et de l'agroalimentaire de maintenir des prix de survie aux producteurs et du maintien du système de droit des paiements de base, qui légalise en quelque sorte la vente à perte et qui nous rend dépendants de notre revenu, ce qui nous rend dépendants de notre revenu. Il est donc nécessaire pour moi d'avoir une autre PAC et de nouvelles règles qui encadrent les fermes, afin qu'elles restent à taille humaine et qu'elles ne deviennent pas des usines.